France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Les aventuriers, bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Éric. On va commencer avec une sacrée performance, hein. 6800 km en 2 mois à la nage et en solitaire. C'est incroyable et c'est ce que peuvent parcourir certains manchots. Chaque année, les manchots gorfous du Fjordland quittent la Nouvelle-Zélande pour aller chercher de la nourriture. Pour savoir où ils vont, 20 ont été suivis avec des balises Argos. Les résultats ont tant étonné les scientifiques qu'ils ont cru à une erreur dans les données. Les manchots sont allés vers l'Antarctique, puis sont revenus en Nouvelle-Zélande. Une femelle a parcouru 6801 km en 67 jours. Un mâle a nagé 5597 km. On ne comprend pas pourquoi ces manchots vont si loin, car les côtes néo-zélandaises grouillent de poissons. Les scientifiques ont besoin de continuer leurs travaux et cherchent des financements internationaux. Pour eux, les manchots, dont l'espèce est menacée, n'appartiennent pas aux néo-zélandais, mais toute l'humanité en est responsable. Dans vos aventuriers ce matin également, Fabienne, le lien qu'il y aurait entre les rides du front et la santé. D'après une nouvelle étude française, plus les rides de votre front sont importantes, plus vous risquez de mourir d'un problème cardiovasculaire. Le corps médical pense déjà que la calvitie peut être liée à la santé cardiovasculaire. Une étude de l'université et de l'INSERM de Toulouse, présentée lors d'un congrès de cardiologie à Munich, s'est intéressée aux rides du front. L'étude a porté sur plus de 3000 volontaires. Les chercheurs ont noté le nombre de rides sur leur front et leur profondeur, et ces volontaires ont été suivis pendant 19 ans et demi. Eh bien, les 233 personnes qui sont décédées à cause d'un problème cardiovasculaire pendant cette période avaient de grosses rides profondes. La formation des rides pourrait être un signe de stress et d'altération du collagène qui influence aussi l'athérosclérose. Les vaisseaux du front sont peut-être plus sensibles. Les rides seraient donc un signe d'alerte. Ben je verrai. Surveillez donc mes rides du front, si attention. J'ai bien compris. Si elles sont profondes, c'est pas bon pour moi. Moins anxiogène que les rides. On sait enfin comment couper les spaghettis en deux. Si vous faites la cuisine, Eric, vous le savez, quand on casse les spaghettis, ils se retrouvent au moins en 3 morceaux. Et ce problème est plus important que vous ne le croyez. Le spaghetti intéresse les scientifiques depuis près de 100 ans. En 2005, des physiciens français ont compris que quand une tige est pliée, il y a une cassure unique qui génère des ondes élastiques qui déclenchent de nouvelles ruptures. Deux étudiants du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, ont approfondi cette étude. Et ils ont trouvé que pour casser un spaghetti en deux, il faut d'abord le tourner sur lui-même à presque 360 degrés, puis le plier doucement. La torsion évite l'effet des ondes élastiques repérées par les Français. Cette découverte a un impact sur les tiges de plusieurs matériaux et peut aider à comprendre le degré exact de torsion nécessaire pour avoir une brisure nette. Un détail, il est sacrilège pour les Italiens de couper les pâtes avant la cuisson et même après. Voilà. On a bien repéré la musique italienne pour illustrer cette séquence sur les pâtes. Des images et des graphiques sur le site du MIT, ce Massachusetts Institute of Technology. Le lien est sur la page du 6-9. La transition est facile, Fabienne, après les pâtes. Le fromage, dans les découvertes avec ce très vieux fromage retrouvé en Égypte. Il n'est pas consommable, il a plus de 3000 ans. Il y a quelques années, une équipe d'archéologues qui explorait une tombe égyptienne ont trouvé des jarres brisées, une contenait une mystérieuse substance blanche. On vient enfin d'avoir les résultats des analyses. Il s'agit de l'un des plus vieux morceaux de fromage découverts et ce fromage a 3200 ans. La tombe d'où provient ce fromage était celle d'un militaire de haut rang du 13e siècle avant Jésus-Christ. Ce fromage a été analysé. On pense qu'il devait être à cette époque très acide et plutôt amer. Et bon petit déjeuner. Merci Fabienne Chauvière. C'était Les Aventuriers. La chronique est sur le site de France Inter.